Chapitre 105. Le nord de la Flandre, ses canaux, son agriculture et ses industries, l'île. Les pays du nord sont ceux que la nature a le moins favorisés. Mais l'intelligence et le travail de l'homme ont corrigé la nature et y ont produit des richesses. Le lendemain, nos amis se séparèrent en se promettant de se revoir bientôt. Guillaume allait retrouver sa femme. Franz et ses neveux se dirigeaient vers Falsbourg pour y terminer leurs affaires. Lorsque le bateau quitta Dunkerque pour naviguer sur le canal, Julien, debout sur le pont, observait le pays avec attention. « Regarde bien, Julien, lui dit l'oncle Franz, qui était tout près, enfonçant dans l'eau sa longue perche. Le département du Nord, où nous voici, vaut la peine que tu l'admires. » C'est après le département de la Seine le plus peuplé de France, et l'agriculture, comme l'industrie, y est prospère. En effet, tout le long des bords du canal, souvent noircis par la poussière du charbon de terre, on voyait se déployer de grandes plaines, où travaillaient sans relâche les cultivateurs affairés. On était à la fin de janvier, et chacun préparait la terre à recevoir les semences de printemps. « Dans 2 mois, ajouta l'oncle Franz, ce ne sera partout qu'un immense tapis vert, ici du chanvre et du lin, dont on fera les belles toiles du Nord, ou les dentelles de Valenciennes et de Douai, là le colza, la navette et l'œillette pour les huiles, le houblon pour la bière. » Les betteraves pour les raffineries de sucre et pour la nourriture des bestiaux. Enfin, les céréales, de toutes sortes, car ici il n'y a jamais 1 mètre de terrain inoccupé. « Pourquoi ne voit-on pas de vaches dans les champs par ici ?» observa Julien. « C'est qu'on les nourrit à l'étable pour la plupart, ce qui n'empêche pas les vaches flamandes d'être une des plus belles races françaises. Elles sont grandes et donnent beaucoup de lait. Les moutons flamands sont aussi renommés. » Avec leur laine, on fait les belles étoffes qui se vendent à Roubaix et à Tourcoing. Et toutes ces grandes cheminées, mon oncle, dit Julien, qu'est-ce donc? Ce sont les cheminées des usines de toutes sortes, raffineries de sucre, distilleries d'eau-de-vie, fabriques d'amidon. Bientôt, nous verrons les moulins à huile et à farine. Plus tard, nous rencontrerons des puits de mines. Les mines de Danzin et de Valenciennes produisent à elles seules le quart de toute la houille retirée du sol français. Oh, oh, dit le petit Julien. « Je suis bien content de connaître la Flandre. Je vois que le nord de la France n'en est pas la partie la moins bonne. » Bientôt, on arriva à Lille, la 5e ville de France, qui est en même temps une place forte de premier ordre, tout entourée de remparts et de bastions, et qui soutint plusieurs sièges héroïques. Julien fut envoyé faire quelques commissions à travers l'île. Il revint émerveillé du mouvement qu'il avait vu partout, et du bruit des grandes filatures dont on entendait en passant siffler les machines à vapeur. Comme il avait vu sur une place de l'île la belle statue de Philippe de Girard, il songea aussitôt à interroger son livre sur le grand homme que l'île présentait ainsi à l'admiration de tous. Quel bonheur, pensa-t-il, que j'eusse mon livre dans ma poche lors de la tempête. L'océan ne l'a pas englouti, mon cher livre. Il me semble que je l'aime plus encore, à présent qu'il a fait avec moi tant de courses extraordinaires. Voyons ce qu'il va m'apprendre sur l'île. Et l'enfant ouvrit son livre. Flandre, Artois et Picardie. Ces provinces sont riches et couvertes de villes florissantes. Leur fertilité emblée les a fait nommer le grenier de la France. On a déjà parlé de l'île. L'ancienne capitale de l'Artois était Arras, 30 000 habitants, fortifiée par Vauban. L'ancienne capitale de la Picardie était Amiens, 65 000 habitants. Cette ville importante est située sur la Somme, rivière aux eaux dormantes. C'est encore un grand centre industriel. On y fabrique des tapis et des velours renommés. Abbeville, 20 000 habitants, est connue pour sa serrurerie. L'œillette. C'est le nom vulgaire de certains pavots cultivés pour leurs graines. Le pavot renferme une substance vénéneuse, l'opium, mais ces graines en sont totalement dépourvues. Et ce sont elles qui fournissent l'huile d'œillette, peut-être la meilleure après l'huile d'olive. Une filature de lin à Lille. Le lin est de toutes les fibres de plantes celle qui était la plus difficile à filer, à la mécanique. C'est par une merveille de l'industrie que les machines réussissent maintenant à transformer ces fibres si courtes en fils longs et souples qui vont s'enroulant sur des bobines.